Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, deuxième partie, sixième chapitre, premier paragraphe, section première, les égarements de l'esprit. Écoutez, mon fils, c'est la sagesse qui parle, Proverbe 1, 8, écoutez les instructions de votre père, et n'abandonnez pas la loi de votre mère, mon fils, si les pécheurs cherchent à vous attirer à eux, s'ils viennent à vous avec des paroles douces, pleines de caresses et d'adulation, feignant d'être vos amis les plus dévoués, comme ils ont coutume d'en agir, gardez-vous de prêter l'oreille à leurs discours. S'ils disent « Venez avec nous », dressons des embûches pour répandre le sang, tendons en secret des pièges à l'innocent, dévorons-le, comme la terre engloutit les hommes, ensevelissons le tout vivant, comme celui qu'on dépose dans la tombe. Nous ravirons ainsi ses biens les plus précieux, nous remplirons nos maisons de dépouilles, entrez en société avec nous, n'ayons tous qu'une même bouche. Mon fils, n'allez point avec eux. Gardez-vous bien de marcher dans leurs sentiers, car leurs pieds courent au mal, et se hâtent de répandre le sang. Il n'y aurait aucun mal à dresser des filets aux oiseaux, mais ceux qui prennent part avec les homicides accumulent sur eux un trésor de maux, ainsi porte la version des Septante. Ils dressent des embûches à leur propre sang, et ils tendent des pièges contre leurs propres âmes. Tenez-vous attaché à ma doctrine, mon fils, Proverbe 4, 13, et ne la quittez point, chérissez-la parce que c'est votre vie. Ne prenez pas plaisir dans les sentiers des impies, et que la voix des méchants ne vous séduise point. Fuyez-la, n'y passez jamais, détournez-vous-en, renoncez-y pour toujours, car ils ne peuvent dormir qu'après avoir commis le mal. Et ils ne pourraient fermer l'œil, s'ils n'avaient fait tomber quelqu'un dans leur piège. Ils mangent le pain de l'impiété, et boivent le vin de l'iniquité. Le sentier des justes est comme une lumière brillante qui s'avance et qui croît jusqu'au jour parfait, la voie des impies est pleine de ténèbres, ils ne savent où ils iront aboutir. Mon fils, écoutez donc mes discours. Prêtez l'oreille à mes paroles, qu'elles ne partent point de devant vos yeux, conservez-les au milieu de votre cœur, car elles sont la vie de celui qui les trouve, et elles procurent le salut à tout homme. Appliquez-vous avec tout le soin possible à la garde de votre cœur, parce qu'il est la source de la vie. Repoussez de vous la langue maligne, et que les lèvres médisantes soient bien loin de vous. Dressez le sentier où vous mettez le pied, et toutes vos démarches seront fermes. Ne détournez ni à droite ni à gauche, éloignez votre pied du mal, car le Seigneur connaît les voies qui sont à droite, mais celles qui sont à gauche sont des voies de perdition. Par ces paroles il semble qu'elle veuille faire entendre qu'il faut fuir toute espèce de compagnon, parce que nous ignorons s'ils sont bons ou mauvais. Les bons, Dieu les connaît, pour nous, nous savons seulement que ceux qui marchent à gauche sont mauvais, c'est pourquoi il ajoute, ce sera Dieu lui-même qui redressera votre chemin, et qui vous conduira en paix durant votre voyage. Il n'est personne qui ne voit combien ces instructions ont été en tout temps nécessaires, surtout à la jeunesse. Mais que devra-t-on dire de nos jours, maintenant que la terre est si remplie d'iniquité, le monde est plein de ces hommes, non seulement pécheurs, mais libertins, mais impies, qui ne se contentent pas de corrompre le cœur des jeunes gens, mais qui voudraient leur enlever pour ainsi dire, le caractère d'homme et de chrétien, afin de les réduire à la condition des brutes. Il y eut toujours des séducteurs, parce que toujours il y eut de ces hommes qui cherchèrent à couvrir leurs iniquités du prétexte qu'elles sont communes, Ils ont voulu pouvoir dire, quand tous les hommes feront le mal, on ne me remarquera pas plus au milieu d'eux que si je n'y étais pas, je pourrais me cacher dans la foule. Ecclésiastique 14, 17. Aujourd'hui il y a cela de particulier, que la séduction impie et immorale est réduite en art, on en fait profession ouverte, on en dicte les préceptes, on institue des sociétés pour en assurer le succès, on la propage et on l'insinue partout au moyen de la presse. L'impudence a secoué tout frein, elle s'avance le front découvert, et non plus en se cachant, comme elle le faisait peut-être autrefois. On sape aujourd'hui les fondements de toute morale, tels que la spiritualité et l'individualité de l'âme et jusqu'à l'existence d'un Dieu créateur et conservateur. On cherche à former un peuple d'athées. Salomon se plaignait de ce que disaient les impies entre eux, et dans le secret, mais à présent ils ne se contentent plus de s'entretenir entre eux de leurs maximes, ils les proclament en tout lieu, ils les prêchent à la face de tous, ils se font gloire de répéter dans les assemblées, ce que les impies d'autrefois n'osaient dire qu'en secret, ils ne rougissent même pas de donner leur système subversif de toute religion, de tout ordre social, comme une découverte et un progrès, tandis qu'ils ne font que redire ce que l'impiété avait avancé depuis bien des siècles. La foule les admire comme des génies, ou plutôt comme des astres destinés à répandre dans le monde une lumière nouvelle. Pour se convaincre qu'elle est dans l'illusion, que l'on compare le langage des impies du XVIIIe siècle et même de nos jours, avec ce qui a été proféré par d'autres il y a plus de 3000 ans. Les impies ont dit entre eux, dans l'égarement de leur pensée, Sagesse 2, 1. Le temps de notre vie est court et ennuyeux, l'homme après la mort n'a plus de bien à attendre, et on ne sait personne qui soit revenu du tombeau, car nous sommes nés de rien, et dans peu nous serons réduits à rien. Et l'on ignorera si nous avons jamais existé, car nous n'avons en nous qu'une vapeur qui nous fait respirer, et une étincelle de chaleur qui nous donne le mouvement, qui nous anime, lorsqu'elle sera éteinte, notre corps se réduira en cendres, et l'esprit se dissipera comme un air subtil. Notre vie, notre être disparaîtra comme une nuée qui passe, il s'évanouira comme un brouillard qui est poussé en bas par les rayons du soleil, et qui tombe appesanti par sa chaleur. Notre nom sera plongé dans un éternel oubli, et personne ne se souviendra de nos actions, car ce temps est une ombre, et nul ne revient à la vie. Voilà toute la magnifique philosophie du XVIIIe siècle, exposée en propres termes. Vous venez d'en entendre les principes ou la partie spéculative, voici maintenant la morale pratique qui en découle. Venez donc, jouissons des biens présents, hâtons-nous de profiter des choses créées, enivrons-nous des vins les plus excellents, parfumons notre tête, ne laissons point passer la fleur de la saison, couronnons-nous de roses avant qu'elles se flétrissent, qu'il n'y ait point de près où notre intempérance ne se signale. Que nul n'échappe à notre débauche, laissons partout des marques de réjouissance, parce que c'est là notre partage et notre sort. Opprimons le juste dans sa pauvreté, n'épargnons point la veuve, et n'ayons aucun respect pour la vieillesse et les cheveux blancs, que notre force nous tienne lieu de loi et de justice. Car ce qui est faible n'est bon à rien. Dressons des pièges au juste, parce qu'il nous est inutile, et qu'il contrarie nos œuvres. Sa présence est un blâme continuel de nos manquements, il dévoile la fausseté de nos maximes. Sa seule vue nous est insupportable, parce que sa vie ne ressemble pas à celle des autres, et que ses voies sont immuables. Nous sommes à ses yeux des gens ridicules, il s'abstient de converser avec nous. Telles sont les pensées qu'ont eues les impies, mais ils se sont égarés, parce que leur propre malice les a aveuglés. Ils ont ignoré les secrets de Dieu, ils n'ont point cru qu'il y eût des récompenses à espérer pour le juste, et ils n'ont point voulu reconnaître la gloire réservée aux âmes saintes. Dieu a créé l'homme immortel, il l'a créé à son image et à sa ressemblance, mais la mort est entrée dans le monde par l'envie du diable, et ceux qui se font ses partisans, imitent leurs coryphées. Pourrait-on peindre par de plus vives couleurs les sentiments de ces hommes effrénés de notre siècle? Je ne le crois pas. Ils ne font que répéter à leur tour sur divers tons les mêmes erreurs. L'impiété a toujours été la même. Qu'ils sont ridicules ceux qui prétendent se donner, en cette matière, pour des génies créateurs. Ils ne profèrent pas un blasphème que d'autres n'aient déjà proféré avant eux. L'identité des principes doit nous faire connaître l'identité des mœurs qui leur servent de préambule, et cette connaissance nous fait concevoir la plus profonde horreur pour cette peste qui s'avance de siècle en siècle, dégradant l'humanité, et accumulant l'opprobre sur le genre humain. Appelez à Dieu que ces malheureux ouvrent une fois les yeux pour être témoins de leur propre avilissement. C'est une chose qui est à désirer, sans doute, mais peut-on l'espérer? Je l'ignore. Un jour ils seront forcés de voir clair et de s'écrier, Sagesse, 5, 4, insensés que nous étions, nous nous sommes fait un jouet des bons, les voilà maintenant élevés au rang des enfants de Dieu, et nous, de quoi nous a servi notre orgueil? Qu'avons-nous tiré de notre faste et de nos richesses? Voilà ce que les pécheurs diront dans l'enfer. Eh bien, s'ils refusent d'ouvrir les yeux à la lumière, nous du moins ouvrons-les afin de nous prémunir contre leurs attaques. Que les enfants de Marie ouvrent les yeux, qu'ils écoutent les conseils que leur donne une mère sage. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.